babarabatiri coimbre, babarabatiri conqua, babarabatiri coimbre, babarabatiri coimbre, babarabatiri coimbre, babarabatiri conqua, babarabatiri, e pa mi, batiri batiri batiri, e pa ti, babarabatiri, e pa mi, no, babarabatiri, e pa ti, babarabatiri, babarabatiri. Babarabatiri coimbre, babarabatiri conqua, babarabatiri coimbre, babarabatiri conqua, babarabatiri coimbre, babarabatiri coimbre, babarabatiri coimbre, babarabatiri conqua, babarabatiri, e pa mi, batiri batiri batiri no, e pa ti, babarabatiri, e pa mi, babarabatiri, e pa ti, babarabatiri, babarabatiri. Babarabatiri, babarabatiri, babarabatiri, babarabatiri.